sur mes MC insensibles qui imposent style flow impossible à capter. Sache que le crime paie. Un supplice pour du stup, crime stupide, un soldat sensible, insensé, un égo trick en transir. Mon égo trip retranscrit dans mon œuvre de la Beckham, aussi célèbre que David Beckham. On fait crier nos mères, trop meurtrier dans nos ruelles, les âmes si est cruelles, crime sans nos duels. Ok, ok, j'y vais, fais danse. Ok, ok, ok, fais danse. Ok, Street Master 2007, on est là. Ok, en entendant que ça paye, je reste sombre. C'est l'hécatombe, les bombes grognent à grande vitesse. Méga tombe, succombe à cette vitesse. Rime thèse, flic sans tease. Rare trim tease, dans l'emprise du crime sans expertise. Écroué avec baf, coup de fouet. J'estime qu'on est bafoué, le cartel sanglant cruel. Notre bitume, l'escrime pour la thune, crime sans gants. Trop défunt, le quartier meurtri, trop de faim triste. Nos mœurs criés, crispés, les nerfs sciés. Appelé vermine, nègre, histoire et carabine, tireur, suspect, guerre intègre. Systématique, outrage illustré, comme l'homme d'une pègre, on en plus de poucard. Culbute, les plans tragiques du Belzebuth avec rage. Dans mon trajet, strame la bicrave, sans fin, le châtiment. Pas de but outrave, tremplin pour du taf ou le sentiment. En temps plein, la carbine, pousse à la carbine, cette vitrine au pré-crime. Je vois l'argent des affes meurtries, planche entrée, j'en sais bousiller. Les gens savent, 9-2, meurtrier en cam. Je vois des drames, des perquises, des flics en mégane. Sur leur banquise, des coups pleuvent. Sans expertise, trop de vertu, procédure dégradant nos procédures, peu. Les gars dans la merde s'entretuent. J'ai vu des larmes, des mères dans l'amertume, la arme sur ma plume. J'ai vu l'enclume sur mes greffes. Sans regret, vite bitume, on me surnomme immigré. Maigre, je maigre pour surnom, ma prose dénigrée. J'ai vu l'adulte faire du mal, l'adultère malsain, telle une dérive sur les quais en étant ivre. Ça plante sans cesse, et tombe la tête sans contrainte. Ça porte crainte, constante crainte pour les tampons. J'ai vu le mal pour du gain, et la maille par les mal. 20 ans, la peine requise à travers. Discrimination règne dans le bitume, machination dans la tête, le tunnel. C'est l'amertume, dans les stress on déprime. La presse en transe s'exprime quand je transgresse au crime. Va leur dire qu'il n'y a pas que des ruelles sombres, cruelles ou mermées. Cruelles sont trop de défis, duel âme son. Difficile de vivre sans fond, déficit dans ce monde. Peu poli mais reste polymôme. Avec un mobile pour nos binômes. Dans ma prose de vie, garbimôme. Flic un derby, c'est une diatribe. Une diatribe, ok, ok. Ok, ok, ma prose de vie, y'a pas de rose. J'ai culbute, celui qui me trompe et culbute. Nos rives explosives, corrosives, nos rives dans l'offensive. Le calibre aussi sacré qu'un galibre. Dans ma rive, y'a pas de gain. Dans ma proche, on l'engin pour l'argent. Dans le pige, je reste serein malgré nos vices. Typique de but en novice, sur le terrain des bilans. Critiques sont nos vies, maléfiques. En prise illicite, en prolifique, complu entre jeunes et flics. Le crime pété, inculpé, buté ou amputé. J'crains pas la street ou l'arthrose ou l'arthrite. Ose avant la retraite.